nuit de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. À l'automne 1993, Yvan Amar proposait une semaine consacrée à la musique et à Chicago, dans la série Euphonia. Chicago, une ville qui ressemble à sa musique, à moins que ce ne soit l'inverse. À sa musique, à ses musiques. Le Dixieland, le blues, le vieux jazz. La musique qui rythme l'existence, la vie et la mort, de Chicago. Chicago, cette ville indienne, cette ville qui ne cesse de se comparer à New York. Écoutez, enregistrez la musique à Chicago. Première diffusion sur France Culture le 6 septembre 1993. Euphonia, Yvan Amar. Chicago, la cité des vents. Jesus loves everybody. The Bible said God is love. He that loveth is born of God. He that loveth not hath not seen God. Okay, thank you. Neither known him. Everybody ought to try your very best to go to heaven. The second city. Jesus said before John. This is Lake Michigan. We're looking east. Howard Street Beach. The far north side of Chicago. This is the one view of Chicago that every Chicagoan should have. On a une vue de la ville d'ici que chaque habitant de Chicago devrait avoir. Because this lake defines what Chicago is. Ce lac définit la ville. This lake has moods all year round. Il a des humeurs tout au long de l'année. In November as it rages and huge waves are protesting. En novembre, il est enragé avec de grandes vagues de protestation. It settles down finally in December, January. Et puis il se fige en décembre, janvier. Il devient une nappe blanche, frozen, complètement glacée, as far as the eye can see. À perte de vue. Then you watch in March, et en mars, as the ice breaks up, la glace se brise, the water starts flowing again, et l'eau recommence à couler. So Lake Michigan is really what makes Chicago what it is. I want all you women folks to fall in line. Shake it, shimmy like I'm shaking mine. Shake it, shimmy, now you shake it fast. Can't shake it, shimmy, shake your yes, yes, yes. Now you dirty with feet. Rubbing a chicken, slip you in the dozen. Papa, your cousin, and your mama do the Lord love. C'est plutôt affreux ici. Mais c'était le siège des disques Delma jusqu'il y en a encore deux ans. On a encore toutes vos pochettes de disques ici et la machine d'emballage. Slipped away from me like a cat leg ate, now she's running Miss Cedar. Rubbing her cheek, slipped in the dozen. Probably cousin and your mama do the Lordy love. Now I'm going to meet every meeting big and stout. Wasn't sad fun till I made him a snout. Made his snout just along the rail. It wasn't sad fun till I made him a tail. Made his tail a pen of flies. It wasn't sad fun till I made his eyes. Made his eyes look over the grass. Wasn't satisfied meat, yes, yes, yes. Yes, yes, yes, then he didn't get fixed. Wasn't satisfied till he made him sick. Made him sick, then he made him well. You know about that, that the Adam called him. He dirty me feet. Problems, slippy in the dirt. Now your papa is cool, now your mama do the Lord. C'est un vrai enregistrement des Dirty Dozens. C'est Speckled Red qui chante ce Dirty Dozen Blues. Il avait déjà enregistré deux fois, en 1929 et en 1930. Ça a été notre premier projet d'enregistrement de blues. The Dirty Dozens vient d'une tradition de jeux d'enfants. Chaque membre insulte la famille de l'autre. Vous voulez que je vous fasse la version non expurgée? I can't think of it. Je m'en souviens plus trop. Yeah, yeah. It's always improvised. I had your mama. She's black as ink. She got good cunt, but it sure do stink. I had your sister. I had your brother too. I would have had your father, but the son of a bitch flew. Also toast. C'est comme les toasts. Mm-hmm. Is it related to Dirty Dozen toasts? Well, also was a game toast, you know, drinking like. C'est comme Tim qu'on récite en trinquant. Shoot, take, step, cocks, dodge, asshole. He can say it. Mais il faut le dire très vite. That fast. Mm-hmm. And then. God made the elephant, he made him big and fat, stout. He wasn't satisfied, so he made him a snout. Made him a snout as long as the rail. He wasn't satisfied, so he made his tail. Made his tail to fan the flies. It wasn't satisfied, so he made his eyes. Made his eyes to look at the grass. It wasn't satisfied. They made his yes, yes, yes. Well, the original version, they made his big fat ass. They made his big fat ass to shit on a stick. They wasn't satisfied, so they made his dick. They made his dick put in your mammy's cock. It wasn't satisfied till he got the pox. It was a burning motherfucker, the cheap cocksucker out in the alley doing this, that, and he had to keep going and shave your black ass dry. You're not bad. Chicago, c'est un concentré d'Amérique. The Windy City, la cité des vents. La cité aux larges épaules, j'ai entendu également appeler. C'est une ville nature, une ville sans chichi, qui n'est pas sans une certaine rudesse d'ailleurs, une ville qui a son franc-parler. C'est une jeune géante un petit peu, elle a tout juste un siècle et demi, elle a été fondée en 1833, elle avait 250 habitants à l'époque. Et elle incarne à la fois la force, l'audace et une modernité un peu naïve du nouveau monde. Elle évoque des tas d'images toutes faites, toute une imagerie de clichés, qui ne sont pas totalement sans justesse d'ailleurs, les fortunes rapides des nouveaux riches, les abattoirs, les gangsters, enfin maintenant il y en a peut-être moins, la ville industrielle, la ville ouvrière, la ville des Noirs qui sont montés du sud, la ville en fait des esclaves affranchis. Et une ville comme ça, faite de self-made men et d'exploités, s'accommode assez mal d'une identité culturelle sereine. Elle a un autre surnom, la deuxième ville, the second city, parce qu'elle n'en finit pas de se comparer à New York, et New York c'est une vedette qui est coquette et qui est courtisée, alors que Chicago, c'est la brave fille. Souvent on entend dire que les États-Unis n'ont pas d'histoire. Je ne sais pas si c'est si vrai que ça. Est-ce que les USA vraiment n'ont pas d'épaisseur historique, pas de Moyen-Âge, pas d'archéologie? Mais non, c'est que cette histoire, elle a été si rapide, si ramassée, que ça donne un sentiment tout à fait étrange, qu'on a en particulier à Chicago. Parce qu'on est perché sur la pointe extrême de la modernité, et on touche du doigt les racines de l'histoire de la ville. Par exemple, on monte en haut de la Sears Tower ou bien de la John Hancock Tower, ces tours qui sont parmi les plus grandes du monde et qui sont magnifiques, et on voit la prairie encore. Les Indiens sont morts, mais pas depuis longtemps. Il n'y a qu'à écouter le nom d'ailleurs de la ville, Chicago. Chicago, ça ne sonne pas tellement anglo-saxon. Hein. C'est une histoire un petit peu de lettres volées. L'indianité va se cacher dans ce qu'il y a de plus apparent, c'est-à-dire le nom. Et parfois, on peut rencontrer des vieux noirs qui vous disent que leurs parents, enfin maintenant, leurs grands-parents, sont nés esclaves. Alors quand on entend ça, on voit qu'on tient toute l'histoire américaine dans la largeur de ses mains. Et on tient en même temps toute l'histoire de la musique. Et à Chicago, l'histoire de la musique, elle est à la porte. Il n'y a qu'à l'ouvrir, la porte, et l'écouter, la musique. Ou la ramasser, ou l'enregistrer. C'est ce qu'ont fait beaucoup de gens, et en particulier Bob Caster, qui est producteur de disques depuis 40 ans maintenant, à la tête d'une petite firme qui s'appelle Delmark, dont il a fêté l'anniversaire récemment. Je me suis installé à Chicago en août 58. C'est une plus grande ville. On y trouve plus de talents, plus de studios, plus de médias. Il fallait vraiment que je sois dans une grande ville. Comme je ne voulais pas vivre à Los Angeles ou à New York, je suis venu à Chicago. J'avais une autre raison de venir. On m'avait proposé de racheter le label Paramount avec ce fonds d'enregistrement des années 20. Et ça me tentait beaucoup. Alors, petit à petit, j'ai monté mon catalogue. Cette année, on sortait un ou deux disques nouveaux, parfois cinq ou six. C'était du blues au départ? Non, d'abord du Dixieland, du Revival. Il y a eu une grande vogue de vieux jazz dans les années 50. Au moment de querelles de bebop, beaucoup d'amateurs qui n'aimaient pas ce bebop, trop neuf, voulaient entendre la musique traditionnelle de King Oliver et de Jelly Roll Morton. Alors j'ai enregistré des orchestres locaux qui jouaient cette musique. Les Windy City Six, les Dixie Stompers. No! wanted to record. Je voulais enregistrer du vieux blues. On ne trouvait pas ça en 45 tours à l'époque. Et d'ailleurs, il n'y avait pas de marché pour cette musique. Les vieux bluesmen comme Speckle Red ou Big Joe Williams n'étaient pas à la mode parmi le public noir. Le blues rural, le blues au piano, ne tentait personne. Donc, il y avait la possibilité de faire quelque chose de unique sur notre label. Enfin, quand, au bout de 5, 6 ou 7 ans, les jeunes étudiants blancs se sont mis à s'intéresser au blues rural. Les musiciens vivaient à Chicago. En général, oui, je ne baladais pas beaucoup. On a fait venir Arthur Crudup de Virginie. Il habitait Mississippi, mais il travaillait à Virginie. Même chose avec Sleepy John de Tennessee. Big Joe Williams faisait des apparitions régulièrement. Whether it was St. Louis or Chicago or Jackson, Jackson or Memphis, Memphis or Chicago, wherever, he got around a lot. Oui, il vagabondait beaucoup. Ça arrivait souvent que des musiciens montaient à Chicago parce que c'était là les grands studios. Oui, déjà dans les années 20, des maisons de disques comme Paramount, Victor, Columbia, Decca, Brunswick enregistraient de blues à Chicago, et plus tard les indépendants, VJ, Chess, J.O.B. Chicago était la capitale du blues. D'abord parce qu'il y avait beaucoup de bons musiciens, mais aussi parce que les maisons de disques les y amenaient. Et souvent, les musiciens restaient là, parce que c'était mieux que le Mississippi. Mais parfois, ils repartaient. Comme Arthur Crudup. En général, ils n'aimaient pas le climat. Il y en a qui repartaient dans le sud pendant l'hiver. Arthur Crudup, That's All Right, enregistré par Bob Castor. Well, now, that's all right now, mama. That's all right for you. That's all right, baby, any way you do. Now, that's all right. That's all right. That's all right now, mama. Any way you do. Well, mine, roll my britches, roll them above my knee. Front strutting my jelly, baby, now with who I please. Now that's all right, that's all right. That's all right now, mama, any way you do. Yeah, man. She done told me, Papa told me too. This woman you got, son, now ain't no friend to you. Now that's all right. That's all right. That's all right now, mama. Anyway. That's all right. That's all right now, mama. Any way you do. Chicago, sweet home, Chicago. Cécile Sauvage, comment ça se fait que vous êtes retrouvée bassiste à Chicago? Moi, j'étais bassiste, je joue du blues. J'ai appris à jouer... Enfin, je faisais du piano avant, mais quand j'ai décidé de faire la musique, c'était à New York. Et en fait, je voulais faire de la guitare, je voulais faire du jazz. Et j'ai rencontré Sugar Blue en 72. Et il m'a dit qu'il est... Enfin, j'ai commencé à jouer de la guitare avec lui dans la rue. Et on a commencé à beaucoup jouer. Et un jour, il m'a dit, j'ai pas besoin de guitariste. J'ai un meilleur guitariste que toi, mais j'ai besoin de bassiste. Et on m'a mis une basse dans la main. Et on m'a dit, ben voilà, ce soir, on joue. Et c'était avec un vieux bluesman qui s'appelait Sweet Papa Stovepipe. Et on a joué mon premier... comme ça, sur scène, boum. Et j'ai joué avec mon pouce. Et après plusieurs années avec Sugar, je voulais devenir meilleur bassiste de blues. Et je voulais aussi jouer de la contrebasse. Je me suis dit que Chicago était une ville où aller. J'avais habité à New York avant, mais que c'était la capitale mondiale du blues, que je pourrais donc jouer avec d'autres gens que Sugar, et puis que je pourrais aussi être relativement sédentaire pour apprendre à jouer de la contrebasse. Et c'est ce que j'ai fait. Je suis venue ici en 81. En fait, j'ai joué le premier festival de blues en 81. En 82, je crois, non, c'est 81 ou 82, je ne sais plus. J'ai joué ici avec Arbie Stidham. Et puis... petit à petit, j'ai joué aussi, j'ai commencé à jouer avec des bluesmen autour de Chicago, comme Jimmy Dawkins. J'ai joué aussi avec Johnny Little John, j'ai joué avec beaucoup de gens autour de Chicago. Et puis petit à petit, je me suis un peu mise au jazz, à la contrebasse. Je me suis retrouvée à l'école, à Malcolm X College. Et de maintenant, je joue presque que du jazz, bien qu'il m'arrive encore de jouer du blues. J'étais avec Artie Blues Boy White il n'y a pas longtemps sur la route. Et ça fait 12 ans que je suis à Chicago et j'arrive pas à en sortir. Well, my baby told me, darling, what an natural fact. Well, my baby told me, darling, what an natural fact. Well, I love my baby, I'm wild about your Pontiac. We're gonna drive on high, baby, cut them bright lights on. Drive on high, baby, cut them bright lights on. We're gonna turn the radio on, get music from up and down. Pontiac Blues, Sugar Blues, harmonica avec l'ingénieur Parsons à la trompette et Cecil Savage à la basse. Entre non seulement sud, nord, ouest, c'est une myriade de communautés, si tu veux, qui ne se touchent pas vraiment. Il y a une communauté grecque, il y a une communauté polonaise, il y a une communauté italienne, il y a une communauté noire énorme. En fait, Chicago est une ville qui a plus de non-blancs que de blancs, qui est le problème de toutes les grandes villes américaines. Disons que ces communautés ne se touchent pas du tout, c'est resté, contrairement à une ville comme New York, une ville de paysans. C'est-à-dire que ça a cet aspect campagne, de petites maisons partout, et tout le monde cultive ses champignons, c'est pas des champignons, ils cultivent des haricots, des greens. Je me souviens de Willie Dixon, quand il habitait encore à Chicago, sa femme, Marie, avait un lopin de terre immense de haricots verts, de tomates, de greens, enfin au milieu de la ville. Et mais ça a aussi gardé l'esprit de clocher, c'est-à-dire qu'on parle pas aux gens du bloc d'à côté, ou qu'une rue fait une division immense entre les communautés. I got a little girl, and she lives up on the hill. I have a little girl, man, and she lives up on the hill. if she ever knew. Great God, the man, I know she loves me still. Un vrai groupe du sud de Chicago, The South Side Blues Band. C'est Johnny Young qui chante I Got Mine in Time. I'm so glad, baby, that I've got mine in time. Change of life and moving, you're about to make me lose my mind. Vous avez habité à New York d'abord et ensuite à Chicago. Souvent on dit que Chicago est une ville moins dure que New York. Est-ce que vous avez l'impression que c'est vrai? New York c'est sûrement une ville plus rapide. Chicago c'est quand même un peu une ville de province. Comme j'ai dit, c'est une ville de paysans. Qu'ils soient venus du Mississippi ou du fin fond de la Pologne, tout le monde cultive ses tomates dans son jardin. New York c'est une île où, où tout s'élève en hauteur parce qu'il n'y a pas de plage. Chicago s'étale. Et puis en plus, il y a le lac qui est magnifique, c'est comme être au bord de la mer. Donc ça a un effet, je suis sûre, qui est très calmant sur les gens. C'est une ville qui n'est pas aussi rapide. C'est aussi une ville qui est bien meilleure au niveau de l'air qu'on respire. C'est pas du tout la pollution de New York et le pas rapide de New York. Cependant, ça a aussi l'aspect un peu rétrograde. C'est vraiment, on a souvent affaire avec des paysans, c'est vrai, des mentalités des paysans. Ben moi je vous parle pas, c'est pas de mon bloc. Ah ben non, dans le sud on vous donnera pas un geek dans le nord parce que vous habitez dans le sud et vous parlez à ces gens-là, alors on parle pas à ces gens-là. Bien que ces histoires de clics se passent aussi beaucoup à New York, hein, mais c'est une ville de province, c'est une grande ville de province. Il y a encore une différence de style, il y a encore des gens dont on peut dire qu'ils jouent le blues rural, et c'est différent des gens qui jouent un blues plus urbain, ou ça c'est l'histoire ancienne? Oui, non, je crois que c'est encore vrai. Par exemple, quelqu'un comme Homesick James, ou quelqu'un qui a un autre, je ne veux pas dire vieux, parce que ça a une connotation péjorative, mais comme Smokey Smothers, un type comme Homesick James, il joue encore un style qui est relativement un peu acoustique, comme Honey Boy Edwards. Et c'est un peu différent de ce qu'on appellerait maintenant le style plus électrique de Chicago, ce qui est pourquoi Chicago est connu d'ailleurs. Ça a été le blues urbain, le début de l'électricité et des guitares électriques. C'est vrai que maintenant, dans les clubs de blues, il n'y a pas de gens qui vont faire un gig acoustique. Ou bien que ce soit un truc vraiment très spécial, un jour on va faire un truc acoustique, mais d'habitude c'est toujours électrique et d'ailleurs très fort. I'm going down in Louisiana, baby, behind the sun. I'm going down in Louisiana, honey, behind the sun. You know, I just find out my trouble just begun. I'm going down in New Orleans, get me a mojo hand. Down in New Orleans, get me a mojo hang. Oh, take me with you, man, when you go. I'm gonna show all you good looking women just how to treat your man. Let's go back to New Orleans, boys. Disons que la plupart des musiciens, ils viennent du sud, ils viennent soit du sud des États-Unis ou du South Side ou West Side de Chicago, mais que tout ce qui se passe au niveau des clubs, ça se passe au North Side. Ça se passe pas du tout dans le sud. Dans le sud, il y a quoi? Deux, trois blues, clubs de blues, comme le Checkerboard, qui appartient à Junior Wells et Buddy Guy, ou qui appartenait, je sais pas, maintenant ils ont dû se séparer, parce que je crois que Buddy Guy a un autre club qui s'appelle Legends. Tous les clubs se passent dans le nord. C'est la même chose au niveau du jazz d'ailleurs. Toute la musique est originaire des quartiers noirs, mais disons quand ça se passe au niveau du business, ça se passe toujours dans les quartiers blancs. Est-ce qu'on retrouve au niveau de Chicago ce qui a une plus grande échelle au niveau des États-Unis? Une division entre le sud et le nord, absolument. I don't smoke, I don't laugh, I don't joke, I make love. Woo! That's all I'm thinking of. I don't weep, I don't moan, all I do is carry on. I make love, woo, that's all I'm thinking of. I don't have to give you no written line, hold your mouth and take my time. Teach and squeeze you maybe once or twice, then you beg me the rest. I don't play, I don't die. All I do is satisfy. I make love, woo. That's all I'm thinking of. Yeah. L'audience a totalement changé. Maintenant, si vous parlez à des jeunes noirs de blues, ils vont vous dire, oh, ça c'est de la musique triste, c'est un truc, on ne veut pas entendre ça. Et comme vous voyez, d'ailleurs, toute l'audience est en particulier assez blanche. Et c'est pareil dans les clubs de blues. Dans les clubs de blues, ce sera une audience, en général, middle class à low middle class, qui est blanche. C'est, dans le sud, il n'y a pas d'audience du blues, n'est pas vraiment noire. À moins que ce soit un bluesman comme B.B. King. Vraiment, les grands bluesmen ont encore une audience noire, mais sinon, c'est pas. Je crois que pour l'audience noire, il faut aller dans le rap. La culture noire n'est jamais. Moi, quand je vais faire des ateliers dans les écoles, si je parle de Duke Ellington, de Louis Armstrong, de Miles Davis, à des teenagers qui ont au moins 14, 15, 16 ans, ils ne connaissent pas. Hein? Et puis quand on leur en parle, c'est qui sait ça. Alors que c'est vraiment. Duke Ellington, pour moi, ça a été l'ambassadeur du jazz dans le monde entier. On n'en en a jamais parlé. Parce qu'ils n'ont pas la self-esteem de leur propre culture, parce qu'ils vivent dans un monde où on leur dit qu'ils sont toujours moins que rien. Chicago est une ville incroyablement photogénique. Elle est belle à voir, elle est belle à représenter, vue d'avion ou bien vue du sol. Il y a des décennies d'ailleurs qui se reflètent les unes dans les autres avec des immeubles tout modernes, tout récents, en verre, en acier. Et puis d'autres, modernes quand même, mais de cette modernité du début du siècle, qui sont dans des matériaux différents. Certains sont encore là, d'autres ont été démolis. Non qu'il menace de s'écrouler, mais simplement la terre est tellement chère au centre même de Chicago qu'on a préféré en mettre de nouveau à la place parce qu'il pouvait être plus haut. Et puis ce qu'il y a de bizarre avec Chicago, c'est que, bien que ce soit une ville industrieuse, c'est pas toujours une cité bruyante. Il n'y a pas de rumeurs, par exemple. Dans la plupart des grandes villes, quand on est un petit peu à l'écart et qu'on écoute, on entend un ronflement, un vrombissement. Cette rumeur de la ville, eh bien, n'existe pas à Chicago. Et parfois, le dimanche, en plein cœur du quartier des affaires, dans le Loop, on écoute et on n'entend pratiquement rien. C'est presque la campagne. Et qu'est-ce qu'on voit ? On voit la rivière, on voit un train qui passe, ou bien on voit cet incroyable métro aérien auquel les habitants sont très attachés, ça s'appelle The Yell, qui passe dans un gros bruit de ferraille et en brinque-ballant. Et puis après, de nouveau, rien. On voit plus que les immeubles qui se reflètent les uns dans les autres. John McDonough, architecte. On pense que cet emplacement est important depuis 5000 avant Jésus-Christ. Il y a des signes d'habitation même antérieurs. On a trouvé des objets qui venaient de tout le continent et qui ont été échangés ici. C'était un lieu de commerce important avant même la présence de notre civilisation. La structure actuelle date d'il y a 200 ans. Le gouvernement américain a établi un fort et a vendu la terre à des gens qui venaient de l'Est. On a construit un canal pour relier le Mississippi au Grand Lac et Chicago est devenu un grand lieu de commerce et une ville prospère. Au milieu et surtout à la fin du 19e siècle. C'est là qu'a débuté la construction des grands buildings, dans ce qu'on appelle maintenant The Loop, au cœur du quartier des affaires. Pourquoi est-ce que ça s'appelait The Loop, la boucle ? Dans les années 1880, un funiculaire amenait les gens de la périphérie au centre. Et là, un circuit de forme ovale déposait les gens tout autour du quartier des affaires. Et puis dans les années 1890, ce système a été remplacé par un métro aérien encore présent, qui donne à cette zone un caractère unique par le fait que ce métro aérien amène les gens de tous les coins de la ville dans le quartier des affaires et définit un centre commercial bien précis. Looping the Loop, un hommage à ce quartier de Chicago, joué par Lee Konitz sur un thème extrait d'une comédie musicale, elle-même hommage à Chicago, Chicago c'en est le titre. The grid of the city plan was established in the 1830s and that la grille qui forme le plan de la ville a été établie dans les années 1830 et il demeure à peu près la même. Bien sûr, le grand incendie a fait venir des architectes et beaucoup de gens talentueux sont venus. Ils ont formé une communauté d'architectes. And because of the need for building high, building tall buildings, there was this. Le besoin de construire en hauteur a amené un dialogue sur la définition du gratte-ciel. There was this need for high buildings because the central business. Ce besoin était causé par le fait que le quartier des affaires était restreint. Il ne pouvait pas s'étendre à l'est à cause du lac Michigan, ni au nord-ouest à cause de la rivière Chicago, dont les ponts étaient souvent relevés. Ce qui rendait difficile d'avoir ses bureaux sur l'autre rive. Et enfin, au sud, il y avait toutes les lignes de chemin de fer. Il y avait donc cette île du quartier des affaires. Comme il ne pouvait pas y avoir d'expansion horizontale, il fallait une expansion verticale. L'invention de l'ascenseur a été très importante et il y avait de nombreuses compagnies à Chicago qui en fabriquaient, pour tout le pays. Sans ascenseur, on n'aurait jamais pu concevoir des immeubles de plus de 6 étages. On a un terrible complexe d'infériorité ici, dans le Midwest. On est des paysans. On sait rien. On est des bouseux. Celui qui veut réussir, il faut qu'il aille à New York ou en Californie. Dans le milieu théâtral, on va auditionner 200 acteurs de Chicago, les meilleurs, et puis on finit par engager le gars qui vient de New York. On a eu à l'affiche pendant 2 ans Les Raisins de la Colère, d'après Steinbeck. Mais ici, la critique l'a descendu. Ils ont dit c'est trop long, c'est trop ci, c'est trop ça. Mais après, le show est parti en Californie, et puis à Londres, et puis 7 mois à Broadway à New York. Et là, on a eu le Tony Award, c'est un genre d'Oscar, pour la meilleure pièce et la meilleure mise en scène. Et là, à Chicago, tout le monde a dit, « Ah, ça c'est notre revue, c'est notre théâtre, c'est notre Steppenwolf. » Alors bien sûr, on sent la deuxième cité, ou même la troisième. Television is the true religion, you know what I mean. The best part of our lives is spent in front of a TV screen. It's our babysitter, our childhood pal, and our adolescent rage. It's our eyes and ears upon the world, our comfort in old age. Tourists in Yosemite, they watch beneath the stars. And Charlie Manson. On est deuxième, mais on garde le sens de l'humour. Ici, un rap ironique de Willie Schwartz. On the list of utilities. It's hard to imagine what our lives would be like without TVs. It's the boob tube, it's a lube tube, and it's putting our minds to sleep. It's turning us from cool cats and kitties to a nation full of sheep. A satellite dish is the ultimate wish in this society. Got 150 channels to choose from, still ain't nothing on TV. If you don't know what I'm talking about, if you don't know what I mean, let me give you just a couple statistics that I found in a magazine. Dick, 97% of all the houses... Willie Schwartz. That is my name. Oui, je m'appelle Willie Schwartz. Je me suis installé à Chicago en 88, il y a 5 ans. Avant, j'étais dans une ville universitaire à Bloomington, dans l'Indiana. C'est très réputé pour la musique. Il y a un excellent conservatoire. D'ailleurs, c'est là que j'ai rencontré ma femme, Myriam. Elle est violoniste. Et tous les deux, nous composons des musiques de scène. On gagne notre vie comme ça. Pas pour des comédies musicales, hein, pour des pièces de théâtre. Et on a beaucoup de chance de travailler comme ça, en couple. And so directors of plays, I believe, like the fact that they're hiring two people who take the work home with them. Cette idée que le travail va mûrir entre nous, qu'on va le ramener à la maison. And we say, you know, for scene two, et parfois, à minuit, on peut se dire, tu sais, pour la scène 2 de l'acte 4, j'ai une idée. Eh ben, on essaye. I'm not doing that. I'm a playing, practicing and performing musician. À part ça, je joue un petit peu partout, en ville. By far the biggest. La plupart des musiciens à Chicago are what we call here jobbers. C'est ce qu'on appelle des jobbers. We do jobs. On fait des jobs, quoi, des affaires, like weddings, des mariages, des bar mitzvahs. Company picnics, des pique-niques, you know, parties, corporate parties, des réceptions d'entreprise ou bien privées, ou bien des cocktails pour directeurs. This is different from New York and different from LA. C'est pas comme à New York ou à Los Angeles. Where everyone is trying to get into theater. Là-bas, les musiciens essayent juste de se faire une place dans les milieux du théâtre ou de la publicité, ou bien dans les comédies musicales. Willy Schwartz, engagé pour un soir, anime un mariage. L'épousée est polonaise, le futur est irlandais. Ils aiment bien la musique folklorique, mais ils aiment bien la variété aussi. Et c'est eux qui payent, donc c'est eux qui commandent. Upon the crest, they just tried for the forward pass, who just lived on the sidelines in a cave. À côté des jobbers, il y a des musiciens qui font la musique commerciale. That we see on national TV are the music for those commercials is recorded. Une grande partie des musiques publicitaires est enregistrée à Chicago. C'est bien moins cher que sur les deux côtes qu'à New York en Californie. Les films, on ne les tourne pas ici, mais la musique, on l'enregistre à Chicago. Alors, il y a une petite clique. Une clique de musiciens qui se partagent ce fromage. Moi, on m'appelle pour jouer de l'accordéon et des instruments exotiques, c'est ma spécialité. Je vais vous donner un exemple. Un soir, on m'appelle à 10h30. Dis-moi, Willy, tu sais ce que c'est qu'un gamelan? Bah oui. Tu peux en jouer? Ah oui, avec 20 autres musiciens, je pourrais. Comment ça, avec 20 autres, qu'est-ce que tu veux dire? Un gamelan, c'est tout un orchestre de gongs de percussion indonésienne. Mais le client veut un gamelan. Tu en as un? Vous savez, il y a une règle d'or. D'abord, on dit oui, ensuite on se débrouille. Alors j'ai dit, bon, je sais où en trouver. Bon, débrouille-toi, demain à 10h30, au studio CRC. Et ça, c'est typique. Ils appellent à 10h du soir, on doit être prêt à 10h du matin le lendemain. C'était pour United Airlines. United Airlines paye $500,000 aux héritiers de Gershwin pour utiliser le thème de The Rhapsody in Blue. Et toutes les publicités, ça fait ça. And this is their commercial, and they're paying an enormous amount of money. So this was a particular promotion for flights to Asia. Pour des vols pour l'Extrême-Orient, le Japon, l'Indonésie. Alors, ils voulaient un son de gamelan. Alors, j'arrive au studio, ils me donnent la partition. Ah, je dis, attention, un gamelan, ça fait seulement 5 sons. How can I play that melody? Je ne peux pas jouer une mélodie sur un gamelan. Play it as close as you can and we'll fix it. Ils m'ont dit, bon, joue au plus près de la musique, on se débrouillera. Alors moi, j'ai fait ça. Et eux, ils ont pris un harmonizer, ils ont tout monté comme ça. Et voilà comment je gagne ma vie. Chicago, the second city, voir. En tout cas, ça n'a pas que des inconvénients. Et c'est un moteur, en fait, d'être deuxième. Ça aiguise l'appétit, ça stimule, ça conserve. Et ça suscite souvent un certain chauvinisme et en tout cas une grande fierté. Et puis, on ne peut pas être toujours deuxième en tout. Et le basketball, par exemple, ce n'est pas à Chicago un sujet secondaire. What the best basketball team in here in Chicago? That's the Chicago Bulls. La meilleure équipe de Chicago, c'est les Bulls. This year. I think so. Oui, je crois qu'ils ont une chance de gagner cette année. Les deux premiers matchs de la saison, c'était pas vraiment ça, mais Michael Jordan, ah oui, il est en très grande forme maintenant. Hier soir, il a joué magnifiquement. S'il joue comme ça à New York, I think we got a very good chance. Là, je crois qu'on a vraiment une bonne chance of going three times in a row. De gagner la coupe. So if they win this year, it'll be a three-peat. Si on gagne cette année, ça fera 3 victoires de suite. C'est déjà arrivé, ça? Non. Vous avez entendu les témoignages de Cecil Savage, bassiste, de Willie Schwartz, jobber comme il dit, musicien tout-terrain, de Bob Casser, producteur, de John McDonough, architecte, et du gardien du building du Chicago Symphony Orchestra qui soutenait l'équipe de basketball. Charles-Dean Prutner, Jean-Pierre Pernel, Dana Westberg, Julien Muller, Geneviève Guyenne, Roland Alagnès, Yvan Amar. C'était Euphonia, Chicago, première émission d'une série d'Yvan Amar, réalisée par Géraldine Prutner. Prise de son, Jean-Pierre Pernel. Première diffusion sur France Culture le 6 septembre 1993. Vous pourrez réécouter cette émission en ligne durant 1000 jours ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique « Les nuits de France Culture ».